Neuf marathoniens de Dolbo Misasini ont participé récemment au marathon de Las Vegas et c'est une belle expérience. Et question de savoir qu'est-ce qui les a attirés là-bas. Ben, on parle avec une personne qu'on connaît tous, c'est le régisseur sportif à la ville de Dolbo Misasini qui était un de ces neuf marathoniens-là, Paul Morel. Salut Paul. Oui, bonjour Denis. Paul, qu'est-ce qui vous a attiré à avoir neuf, qu'est-ce qui vous a attiré dans ce trip-là? Et pourquoi Las Vegas? Ben, écoute, on fait beaucoup de courses à pied dans le secteur, ouais, ou dans la province, on participe à différents événements, mais là, on avait le goût de vivre quelque chose à l'extérieur, de faire un demi-marathon pour certains ou un marathon pour d'autres, okay, mais dans un endroit peut-être un petit peu plus exotique, si tu me prêtes le terme. Ouais. Alors, on trouvait que Las Vegas, qui était coté là dans les top 10 marathons en Amérique, à vivre, là, on s'est dit, ben écoute, tant qu'à en faire un spécial, on pourrait aller essayer celui-là. Okay. Alors, donc, on a décidé de partir, là, un petit groupe de 10 personnes, et puis d'aller vivre cet événement-là. OK. Est-ce que c'est différent, j'imagine que l'attitude aussi à Las Vegas, est-ce que c'est vraiment haut? Est-ce que c'est différent que de le vivre au Canada, genre le marathon de Montréal, genre? Ben, écoute, non, l'attitude était quand même pas si mal. C'est, OK. Je peux pas dire que c'est un facteur qui était important. Nous, avant de partir, ce qu'on s'était dit, évidemment, là, c'est que, bon... on s'est informé au niveau de la température, là, de jour, ça joue à 25, le soir, c'est autour de 11, 13, 15, et puis, c'est une température assez sec. Donc, c'est des conditions idéales, là, pour courir. Le parcours, évidemment, on sait qu'à Las Vegas, c'est presque dans le désert, là. Ouais. Alors, c'est un parcours très plat. Okay. On s'est fait surprendre, par contre, là, il était peut-être pas aussi plat qu'on pensait, surtout à la fin. Okay. Mais, voilà, là, c'était quand même là un site idéal. Et ce qui est important de mentionner, Danny, c'est que le départ se faisait à 16h30. Donc, c'est en fin de journée. C'est comme ici, là, ici à 5h, là. Ouais. Il n'y a plus de soleil, là. Alors, de ce côté-là, c'était comme ça. Donc, à 17h, quand on courait, les températures variaient entre 14 et 15 degrés. OK. Est-ce que c'était fort comme calibre? Parce qu'on sait que c'est pas tout le monde qui peut courir le marathon de Boston, c'est pas tout le monde qui peut courir le marathon de New York, faut que tu réussisses des temps. Est-ce que le marathon de Las Vegas figurait dans la même catégorie ou c'était plus comme marathon de Montréal, participation? Écoute, t'as les deux catégories qui sont, okay, intégrées. Il y en a qui se sont inscrits pour battre des temps. Toi, si je ne me trompe pas, le premier qui est rentré était en 2h49, si je ne me trompe pas, là. Donc, c'est quand même extrêmement rapide. Alors, il y en a qui allaient là vraiment pour des temps, mais on sait que ce marathon-là, il y a 40 000 personnes. Okay. Donc, à 40 000 personnes, je te dirais que la grande majorité allait là. Quand tu vas participer au marathon ou au demi-marathon de Las Vegas, c'est pour vivre le trip, là, si tu veux, de courir sur la strip, c'est le boulevard principal de Las Vegas qui est illuminé de façon incroyable le soir. Ouais. Alors, c'est vraiment de courir sur la strip en soirée avec une grande foule. Donc, je te dirais qu'il y a beaucoup plus de personnes qui se sont inscrites à titre participatif pour vivre l'événement sur la strip. C'est okay. Le seul moment, d'ailleurs, dans toute l'année à Las Vegas où la strip est fermée, c'est pour le marathon. OK. Dis-moi, on connaît les incidents qui sont survenus il y a à peu près quoi? C'est 2 mois à peu près, si je m'abuse? À peu près il y a 2 mois. Comment était la sécurité? Ben, c'était sécurité renforcée, hein, on ne se cachera pas. C'était le premier après les attentats. Ouais. C'était le premier gros événement qu'il y avait à Las Vegas. Okay. Alors, donc, évidemment, écoute, quand tu sais que t'as un événement qui rassemble 40 000 personnes, c'est beaucoup plus que ce qu'il y avait au fameux spectacle où il y a eu 54 décès, je pense. Là. Ouais. Alors, donc, oui, la sécurité était renforcée. Même d'ailleurs, après les malheureux événements, on a reçu un courriel que c'est comme quoi que l'événement, c'était pas garanti qu'il serait, je parle du marathon, c'était pas garanti qu'elle allait être présentée. Il allait vérifier avec les forces de l'ordre si c'était possible, etc. On a reçu un courriel plus tard pour dire « OK, l'événement va avoir lieu quand même. Le spectacle qui était prévu a été déplacé. Le départ a été déplacé aussi. » Donc, tu sais, ils ont fait quelques changements. Puis la sécurité sur place, ben, il y avait des policiers... avec jumelles là, qui surveillaient là, les hôtels autour, hélicoptères qui passaient régulièrement à basse altitude là, pour surveiller le site. Puis non, c'était on voyait là, que c'était une sécurité spéciale. OK. Comment ça a été pour la plupart? Est-ce que dans le groupe de Delbauche, le tien, on va donner ton résultat, 53e sur 111, je pense. Donc, c'est milieu de peloton, à peu près. Ouais, c'est ça. Et puis, moi, je pour le reste du groupe, moi, c'était mon premier marathon à OK. Vie. Comment t'as trouvé ça? Alors, t'as-tu pogné le mur? T'as-tu pogné le fameux mur qu'on peut... le fameux mur. Écoute bien. Ouais. Là, d'abord, je me cacherai pas, à 56 ans, vivre un premier marathon, là, c'est pas comme le vivre à 23 ans. Là. Ouais. Ça fait que je m'étais inscrit dans un groupe avec une cadence raisonnable, là, donc pour le compléter en 4h30. Ça fait que officiellement sur ma Garmin, en tout cas, j'ai fini à 4h32, mais ça a été correct. Le groupe sur 10 qu'on était. Il y en a 9 qui couraient. Ouais. Sur les 9, il y en a 7 qui faisaient le demi-marathon. OK. Et il y en a 2 qui faisaient le marathon. Donc, tout le monde a complété son parcours, mais tout le monde en a été surpris par la fin du parcours. Les 10 derniers kilomètres, ouais, c'était quand même relativement difficile parce qu'il y avait des longs faux plats. Des faux plats, des fois accentués, là... c'est assez prononcé. On a tous été un petit peu surpris là, par la fin du parcours qui était beaucoup plus difficile que ce qu'on croyait. Okay. Mais écoute, tout le monde l'a complété, tout le monde a eu du plaisir, c'était le but, c'était l'objectif. Et puis, voilà, ça fait que notre mission première, ou notre objectif premier plutôt de terminer, a été... Un méchant beau trip. As-tu d'autres projets comme ça l'an prochain? Le marathon de Boston, c'est sûr que, comme j'ai dit en d'entrée de jeu, c'est pas n'importe qui peut courir là, c'est parce que ça prend des temps. Mais est-ce que tu vises quand même éventuellement le marathon de Boston? Ah, mon Dieu! C'est tellement prestigieux, ouais. Ça me semble que... Oui, absolument. Écoute, tu as raison, c'est un événement prestigieux. Je peux te dire que dans notre groupe, il y avait Dari Pronovo qui est du Club du Mille. Lui, je pense qu'il il a déjà les temps là, pour le marathon de Boston. Alors, c'est quelqu'un, d'ailleurs, qui est très performant. C'est tout qu'un coureur. Dari devrait, d'après moi, participer. Là, je parle pour lui un petit peu, mais je pense qu'il m'en veut. D'après moi, c'est quelqu'un qu'on devrait voir apparaître là, dans les inscriptions du marathon de Boston, plus tard que ça. Il y en a d'autres du club du Mille aussi qui le visent. Mais dans son cas, je pense qu'il y a déjà les temps de qualification. Pour ma part, moi, le marathon de Boston n'est pas un objectif premier. De toute façon, les temps de qualification, là, je ne suis pas tout à fait prêt de ce temps-là présentement. Par contre, je m'enligne plus vers les demi-Ironman. Okay. Là. J'ai déjà 3 triathlons olympiques de fait. Fait que là, je veux passer à la prochaine étape qui est le demi-Ironman. Donc, je file plus là, vers ces épreuves-là. Là. OK. Paul, belle expérience. Fort agréable d'en jaser. Au plaisir de se parler. Puis bravo quand même. 9 coureurs de Delbauche-Bissessny qui participent. C'est une belle expérience. Puis on va sûrement avoir l'occasion de se reparler en tant que régisseur sportif parce que je sais qu'il y a des beaux projets qui s'en viennent. Beaucoup de gros projets. Oui, Paul Morel, le régisseur sportif à la ville de Delbauche.